Oui, bonjour. Bonjour, bonsoir, mes amis. Bonjour. Bonsoir. Bonne nuit, mes amis. Alors, si on peut se taguer. Si on peut se taguer, comme ça, on va commencer. Je pense que vous allez très bien. S'il y a moyen de taguer, les amis, les autres, sur Facebook. Ainsi que sur WhatsApp, pardon, sur YouTube. Donc, tous allez kosenga, ceux qui moyen ils allaient à kotage, baninga mususu. Oh, boyebi ke bazali libre de nous suivre comme ça. Tomeka ko sola moke. On ne prendra pas beaucoup de minutes aujourd'hui aussi. Et ce qui moyen ezali ya kotage batu mususu. Oui, GMK Pro, merci, bonjour, bonsoir. Korba Korba, bonjour. Merci, comme toujours, mon ami. Merci beaucoup, c'est gentil. Makassi Hilaire, merci. Patrice Junior Lumumba. Ah, Tozalina ba Lumumba na biso, hein? Celui-là, c'est les juniors. Merci beaucoup, mon ami. Congo Mater, oui, c'est notre terre. Merci beaucoup. Adler Genius, merci beaucoup. FX, bonsoir, merci. Patrick Yedila, merci beaucoup. Judith, merci. Merci Francis Mbossi. Vous êtes là, je vous vois. Merci beaucoup, c'est gentil. Et wow, Françoise Makwena, merci. A, B, C, D, E, F. Merci. Pedro Lutundula. Non, Pedro Lutumba. Merci. Jacqueline Makwiza. Bonjour. Dimana. Bonjour. Taguez les autres, hein, dit. On ne va pas perdre le temps juste à citer les amis qui nous saluent. Merci beaucoup, Charles Lubadika. Merci. Oui, depuis Hollande. Merci, c'est gentil. Alors, du côté Facebook, ça bouge pas. Bazali wapi? Balali? Voilà, on avance. Oui, voilà. Mundibu, hors du commun. Waouh, merci. Ndogosimbala, merci. Merci beaucoup. Eli Bills, merci. Comme toujours, Kama, merci. Tiffany Mira Mambou, c'est bien ça, mon ami. Merci beaucoup pour votre présence. Voilà. Aujourd'hui, peut-être 30 ou 40 minutes après Tokabwani. Lelo, toye na ba point mibale à l'ordre du jour. Ba point mibale à l'ordre du jour, o ezali, à mon avis, ezali très important. Poto solo la yango. Et point liboso, ezali, moi, update, mikolo yo. Ceux qui te na live, na banda kosa la update pour la situation ndenge boye beliango, la situation de la famille. Ceux qui na sali live, na kosa la moi update moke. Parce que nazozwa ba message et belé inbox. Les amis qui me demandent la situation, ndenge nini, ezoleka ndenge nini. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, excusez-moi ma parenthèse, topé na Madame Odile Mansoni. Vraiment, merci beaucoup, mon ami. Merci pour votre confiance. Merci pour votre support. Et franchement, j'en suis reconnaissant. Je disais que il faut nasa la parenthèse, okay, y a ça moi update. Donc actualisé pour la situation il y a libota na biso na bande kolobake bo s'inquiéter tout le monde va bien boye bake ezali libota moko il y a ba batubake na l'église balobanini il y a ba longi ezali libota moko il y a ba guerrier ezali libota moko il y a ma pamboli. Vous voyez très bien que Bayini balingaka ma pambolité. Ceux qui osali kozwa ma pamboli, vous êtes bénis. Il y aura toujours des gens que Satan va utiliser pour nakoya ko détruire yango. Nazali une expérience nango, naloba yango peut-être bato balandanga bayebi. Ma petite vie et allez toujours une vie yaba challenge, une vie yaba expérience ya boyé. Mais nabimaka toujours vainqueur. Na lobaka yango, na lobimaka toujours vainqueur. Vainqueur na sens que na Congo na mboka nanga na zalaki, je me considérais comme si j'étais seul. Na bundani, ba parents bazalaki na bakokité. Ma parent bazala ki musika na bundani na vila Kinshasa ngai moko kofuta Minerval ngai moko naza koteka manteka ngai moko na bomba mbongo pona futa Minerval na somba si la bis na futa tike ya bis ngai moko na tikali kozwa ata centime moko te a part na zwa mbongo moke mokete ebele na erwa na pona ngai epai ya moto ya liboma a part moto ya liboma banda na bandi premier graduat ti nakei kosuka na licence na tikali kozwa un centime te ya ndeko ya parent ya cousin ya cousine ya oncle ya camarade jamais moto akabelanga mbongo ezali moto a liboma un fou na balabala akabela ngai $100 j'étais bloqué examen moyen na salle exacte baninga ba mandi examen ebandi na 7h30 8h ngai a 8h30 je me retrouvé na ville ko Lukambongo moto a défisa ngai na futa Minerval pona salle examen. Vers 8h40, Moutaliboma a kabelingaï $100. Na changé $100, na kenda, na futa Minerval, na sala examen en retard. Le professeur a compris, il m'a laissé le temps pour na silis examen, a tikelingaï assistant moko, pour na silis examen ngaï. Donc, je disais que Nazali Moulongi. Na longwe na mboka Congo, na kei na mboka Corée. Discrimination basiatique balingi bato mwindo te bato mwindo bazali ba makaku bato mwindo bazali ba nyama moto mwindo na Afrique classe ezate na Afrique avion ezalaka te na Afrique lamba ezalaka te Mutu mwindu na mboka bapaya musika ndekone azate, mutabandundu azate. Na bundani na mboka ya Kore na kei na class. Pona zwa master. Ngai moko. Mutafutelinga Minerval azalaki te. Bandeko batanga libanda bayebi Minerval na bamboka lokola Kore, Japon, ba Europe, Amerika, Minerval ezali combien. Ngai moko na futi Minerval pendant mbula mibale na sali master. Na silisi master na mboka ya Kore, na kei na mboka ya Canada, na ke kosala doktora, mutu moko afutelinga Minerval azalaki te. Bandeko bavandi na Canada bayebi Minerval ezali combien par trimestre. Na pesa bino exemple sikoyo. Minerval na trimestre moko, c'est-à-dire 4 mois. Minerval na mboka Canada, ba département mignon sote, mena lui par exemple département ya science sociale, Minerval ya 4 mois. Trimestre mwana moko, semestre moko wana 4 mois, ozali kofuta équivalent ya $7,000. Alors, ezali na ba département mususu batu bazali kofuta $12,000. Na semestre moko année te semestre. Na keina mboka wana, na sali mbula 4. Aller-retour, Corée-Canada, Corée-Canada, Corée-Canada. Na futi Minerval ngai moko. Mutu moko te akobimisa papier ke na futi la ye mwa $1,000, na pesa ye mwa $1,000 futa Minerval. Na lite ngai moko, molongi, na longi. Na zongi na mboka Corée, na bundani, na bimisi mutu. Corée moko te akoyiko yebi sabino ayebi mese yombite. Na mboka oyo balingi bapayate, na chemu tu, respect, molongi. Na longwe na mboka Kore na kei na nivo ya Azi na Pacific. Azi na Pacific, eliniko lo baba peyi nyonso ya Azi. Eliniko lo baba peyi nyonso ya Pacific. Pacific ezali Australie, Nouvelle-Zélande, Papua. Ba mboka wana kuna mike. Na chemu tu, na organisation internationale na bango. Ti na ye kosuka président na bango. Oui, ko finga ezali malamu. Oui, ko denigre ezali malamu. Oui, ko détruire ezali malamu. Mais fuko yeba mutana bozali koluka ko détruire. Azali nani. Boyeba historique na ye. Azali nani. Azali molongi. Na Azi, Pacifique nyonso. 360 organisations ba ONG ya minene minene na kati. Bandeko bavani na Australie ba yebi. Conseil des réfugiés d'Australie. Ezali une grande organisation dirigée par Paul Power. Bandeko o bavandi ba milouvor bavandi d'Australie bo luka Paul Power akoyebi sabino. Ki ye monsieur Yombi. Na bundani na sali 6 ans président na bango. Na tango tozali ko kende na ONI bazomona Asie Pacifique. Bazo kanisa bako mwona mundele. Ba mwona mwoto mwindu. Tout le monde bazalai kotuna mei. Osali ndenge nini po koma president na organisation oyo. Ezala ki merite. Na banda na organisation ana konseye. Na longwe konseye ba yeko vo, ba nomenga konseye. 2 ans konseye. De 2010 a 2012. De 2012 à 2014, Bayeko votenga vice-président. Non, d'abord, une année avant, 2011, na longwe conseiller Bayeko votenga président sous-régional, c'est-à-dire président ya organisation wana azako représenté Japon, Corée, Taïwan, Hong Kong, Chine, Russie, Mongolie. Président sous-régional. Ba koreyen bazalaki, mais na vote ba yeko vote un Congolais, un noir. Na longwe vice-président sous-régional, pardon, président sous-régional, ba yeko vote ngayi vice-président mondial. Na sali vice-président, comme vice-président, de 2012 à 2014, vice-président mondial. Na 2014, ba yoko votengayi président mondial. Kobanda 2014, tu na 2016. Na longwe président mondial, ba votengali susu na manda ya mibale. De 2016 à 2018, président mondial. De 2018 à 2019, il fallait Natika, bazalai koluka moto a remplacé, po nangai na sala ki lokola moi veto moke, na sens que nazali Paul Kagame te, nazali Museveni te, mais j'avais dit moto a ko remplacé ngai il faut zala un moto oya wuti na background ya ba réfugié, c'est-à-dire moto oyo azali na histoire na ye azala réfugié po a remplacé ngai, parce que c'est une organisation pour les réfugiés, il faut que ba réfugié ba diriger yango. Tu yeko sala inane ko luka un réfugié capable ya ko diriger biso. Na sali tu, mwana oyo na zwa, azali na Australie, kombo na ye arrache, batunyon so ba Congolais so bo vani Australie, bo zana bakamba ba réfugié, bo yebi ndeko oyo. Arrache, c'est un Syrien, oyo avanda kan Australie, azali na nationalité australienne. C'est un jeune garçon qui a moins de 30 ans. Ngaye moto na zwaye, na kenda na Australie na kutana na ye, na entraîné ye, et Arash maintenant représente tous les réfugiés jeunes na ONU, na HR, na Genève. Na ye ko sala tout n'influencé, ya pe sa candidature pour comme président de l'organisation oyo. Parce que ngaye ba mandat mi balé sili, na lekisi kutu mbula moko. Na sali tout na pesé na poa na ngaye, liboso ya ba docteur, ba professeur d'université, Arash a été voté président de cette organisation Tisiko Yendenge Tozali Koloba. Donc, Elin Koloba Kenazali Molongi, faites attention na tangozo luka ko détruire moto, moto ezali quelque part. Na loba ki yango, nazali dragon rouge. Je ne fais pas de la blague, nazali dragon rouge. Alors, update. Ah, moi, évolution est allée dégainer parce que bandeko bazo tourner belé, c'est là où j'étais. Il y a famille est allée malamo, plainte est allée qui déposer. Bino bozali lundi, mais na niveau ya Corée, lundi déjà plainte est allée qui déposer. Et loko ya malamo est allée que ba média maintenant bazo tourner batake komi sikoyo epa ya famille ya Yombite, batake komi epa ya télévision. Oyo babimisa ki information wana, donc ils ont compris la réalité c'était quoi. Bozomona na sima na ngai bandeko bavandi na bandeko bazali na Facebook, bozomona na sima na ngai lamba ya vert ezala ki juste bato technique ba yebi lamba na bachaka pona enregistrement. Donc na uti kozala na télévision comme pona COVID, na uti kozala na télévision pona na à distance pona makambo ya COVID et bakodifiza ngo kala mingi te. Oyo na expliquer le konyonso et j'ai dit aussi que bandeko bovandi na mboka Corée ba Corée boyebi ke monsieur Yombi azali un dragon rouge yali sécurité un dragon rouge. Alors update ezali nini bandeko na ngai soki nazali ko attaquer na bandi ko attaquer ko lobe makamba politique lelote na bandi à l'époque ya Mobutu, bien que à l'époque ya Mobutu ezala ki d'une façon timide. Mais à l'époque, il y a Kabila Banda, Laura Désiré Kabila, Nazali contre Bango. Nazali contre Bango, pour Elin Kolobate Bilongi na Bango, ezalaki mabe. Nazali contre Bango, pour Bayaki na Bapaya, Elongo na Bango. Biso na Bambutamoto, Etienne Tshisekedi, tozalaki contre Bango. Biso na Bambutamoto, nyoso, tozalaki contre Bango na Bandeko nyoso. Elongo e Laura Désiré Kabila, eye Joseph Kabila, lit nangai e koma ki lisusu makasi. Bandeko bavandi na mboka Kore ba yebi. Bandeko bakenda kana ONU ba yebi o bakutana na ngai. Na loba jamais e loko pona ba réfugié sans que na banda pona makambo ya Congo ou bien na sukisa na makambo ya Congo. Bandeko nyonso bakutana na ngai ba yebi. Je reconnais encore na université York, na Canada, na Toronto, devant plus de 1000 personnes na katia salle, de professeurs d'université, des étudiants, des chercheurs. J'ai parlé du Congo, na makambu ya koloba, tozali koloba makamba réfugié, mais il faut luka oba bengi ba root cause. Ba root cause ezali, ba makambo o ezo provoke ba toba koma ba réfugié. Il faut d'abord penser à ça. Na sitaki Congo, j'ai expliqué. Na tango na silisaki mupiku ya ba Congolais ba yaki ko yambangai. Nzo kande na Congo na biso tozali na bato aboyi. Sa lo wana minute ba pesa ki ngai e koyi ko leka jamais 2 minutes na loba sans ke bato ba telema na maboko. Ba beta maboko. Ba Congolais ba vandi na Canada oyo ba yaki na conférence wana ba yebi. Mes chers amis, batu ba yebaki balandi makambo ya ban, ya mwana na biso ba yebi. Mwana na biso azali voyou te. Mwana na biso azali criminel te. Mwana na biso azali mwana lokola bana nyonso. Na kozongela makambo wana te. Maintenant ba coréen ba comprendre il s'agissait de quoi. Na koloba mingi te parce que procès plainte ezalaki déposée toti ke la makambo siko na bazuji bakata. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué? Bandeko soki nazali koloba bato mingi bazo atakenga bazo finga ngai balobi olingi baluba te. Te na lingi baluba. Soki botali ba Congolais oyo nga na salisa po bazwa mikanda majorité na bango ezali baluba. Mais pourquoi nazali kolobela makambo ya baluba? Parce que nazali na chance te na bango. Nazali na chance ata mukete na bango. Soki osalisi bango. Kaka era zali kozwa resulta ya lisalisi wana. Bandeko oyo babaluka ka toujours contre ngai. Ngamoko nasali introspection. Qu'est-ce que je fais? Natango nasalisa ka bango. Oyo ke soki nasilisi kosalisa bango, il tourne contre moi. Na sali introspection na monite. Na tuni bandeko ebele. Na bandeko wana pe bandeko na biso baluba. Bo ede ngai. Peut-être ngai mutu nazali na mabe. Bo sali sangai. Bo yebi sangai. Qu'est-ce que je fais du mal? Bango nyonso bazali ko yebi sangai. En fait, oyo ba répondre. Bazali ko yebi sangai parce que ozo finga Félix. Mais soki otuni na fingi Félix na nini? Oyoka olobaka na Félix azali idiot. Nazo expliquer sima, waiza deuxième point ya masolo na biso na ko expliquer idiot ili inkoloba nini. Bandeko na vandi na mboka Kore banda 2002 na ya na mboka Kore. Soki okuta ina Congolais o ayebi sioki ayebi monsieur Yombite. Franchement ndeko yeba soki ozali pasteur chande ko na maboko ndeko na zali ndoki. Peut-être oui bakoloba nakutana na monsieur Yombite parce que ba Congolais belé bazali na Corée ba yebinga physiquement te ba mona kanga kaka na télévision ba yokaka et pas ba coréen ba yokaka et pas ba congolais mususu ba yokaka et pas ba paya bakutana na ngaboye te. J'ai expliqué avant-hier nazali na politique na ngai que ça soit ma famille tokenda kana banda kwa batuti nous na ndako na biso on reçoit des coréens. Bayaka, bavandi, 2, 3 jours, une semaine. On reçoit quelques familles ya ba Congolais. Boya nandaku, baye, une semaine, bazongi. Biso tokendakate. Na yebi, pourquoi tokendakate? Congolais azali koloba pamba pamba. Ezali komi batela. Ezali lo lendote. Ezali komi batela na les ondi le bla bla bla ya ba Congolais. Pourquoi ngayi nazali ko satake na Félix? Pourquoi nazali ko satake na Kabila? Parce que batu oyo makambo bazali kosala ezali pona intérêt ya mboka na biso te. Moi matake na Félix nazali na droit nazali na obligation ya ko vérifier Félix azali kosala nini, Félix alobi nini, Félix alati nini, Félix ake wapi, Félix asololo nini, Félix anome nani. Nazali na droit légal ya ko vérifier soki asali yango na ndenga malamo. Nazali na droit ya kondima, ce qui a sali nandenga mabe, nazali na droit ya koboya. La loi me le permet. J'ai le droit. Mais, ba Congolais o bozali ko attaquer ngai bozali na droit ya ko attaquer ngai te. Parce que ngai nazali ko représenter binote. Ngai nazali na fonction moko public te. Ngai na yiba na mbongo ya l'état ya Congo te. Ngai na sala eloko esika moko te ke na boma Congolais. Nazwa munduki na boma Congolais te. Nazwa mbeli na boma Congolais te. Na sala na administration na binote. Ya Congo banda na botama. Vous n'avez pas le droit de m'attaquer. Vous n'avez pas le droit de me détruire. Mais moi, j'ai le droit d'attaquer Félix, que ce soit physiquement ou bien politiquement. J'ai le droit. Article 64 me le permet. Ce qui Félix a dit, salam alam, nazali na droit, nazwa Félix, na longolaye, isika wana. Nazali na droit. Mais yo, zali na droite, oyako betangai. Ozali na droite, obomangai. Ozali na droite, o détruire famille nangai. C'est ça la nuance. Pourquoi nazali kolobaboye bandeko? Ngai na mboka Kore, les Coréens même. Les Coréens aiment la famille Yombi. Moi j'aime la Corée. Je dis toujours aux Coréens, à tout moment quand je parle, je dis toujours aux Coréens, la Corée est ma seconde mère patrie. La Corée est mon second pays. Corée zali mboka nanga ya mi balé. Bandeko, pouvez-vous croire na histoire o ezali koleka pona mwana na biso pona famille na biso. Les gens de Félix ba koutani na une coréenne ba corrompre a luka dossier pour ba salir monsieur Yombi. Akeko retrouver dossier ya mwana na biso o eleka. Ba bimisi yango na télévision, ole ba bimisa vérité ndenge ezalaki, na télévision ba bimisi lokola notre enfant a été seul, il a opéré seul, il a fait tout ce que ba lobby seul. Et pourtant cette histoire de notre enfant, c'était un groupe de 9 enfants, ba adolescents, ba zalaki mikoloté, ba adolescents. Parmi les 9, bango nyonso batikali 8 bana ba coréen. Mupaya o azali na poso mususu mwana na biso kaka ye moko. Me bango ndenge ba présenter problème na télévision ba lobby ba paya oyo ba immigrant ba réfugié. Et pourtant na kati ya groupe wana ba réfugié, mupaya kaka moko. Les restes ba coréen. Voilà esika biso na télévision na ezali ndongwana. Bandeko boko ikondima. Na kosukisa wana na point oyo ya kopesa bino actualité. Boko ikondima lelo na moma oyo. Un groupe ya ba coréen na compagnie moko songolo parce que procès mususu yango ezokende. Organisation moko songolo ba bengi ngai. Ba lobi na ngai professeur Yombi ya de Congolais ba ye na biro na biso. Moko kombo na ye Cheche. Cheche azali Congolais, azali Moluba. Congolais nyo savandi na mboka Kore ba yebi ndeko oyo. Ba yebeli na ndeke ndeko oyo amelaka masanga mingi. Ndeko oyo mwa instabilité ezali. Famille ekabwana, mwa si asenga divorce. Ndeko oyo moto apesa message na bandeko na ye na Londres ke Yombi azalaka cuisinier. Pouvez-vous croire ndeko oyo akende dans un bureau ya ba coréen akei koloba depuis quelques une année ou bien deux ans monsieur Yombi mikolonion sozali ko sala ba vidéo anazali ko sala azali koloba na monoko na biso na Lingala azali ko finga Corée na ba coréen. Mes chers amis, je m'adresse na bandeko na biso Luba. Nazali contre ba Luba te. Mais je vous dis nazali na chance na binote. Ndeko oyo nakutana na ye eleki même 3 fois te. Nakutana na ye pete ke to vanda ngai na ye to solola. Nakutana na ye mbala liboso Ba étudiants congolais ba benganga ina kende kopesa bango orientation ndenge ya ko vivre na mboka kuri. Ya zala ki étudiante aya ko a filmer. Deuxièmement nakutana na ye na marche oyo moi j'ai organisé pour na Etienne Tshisekedi na 2011. To solo la ki. Il m'a demandé téléphone na ye charge silaki azwa téléphone na ngai pour a filmer. Na pesi a filmer. Na zui téléphone est aussi ici marche je suis rentré. Na yebisi na kotinde la yo ba image, na tinde liye. Ba image wana avant na pesa ye ma femme azalaki ko filmer ngai. Azalaki ko kanga ba photo. Na zui photo moko na publier. Ndeko o a bengi ngai ki ozali na droite o publier photo moko ya marche wana parce que ngai na utiliser photo na yo na kangi ba photo na appareil na yo. Bozo mona kezali ni boma, na yebisa ki ndeko oyo kene na hôpital. Mais na tinde la ki ye ba image o a filmer ki. Et si linga nandeko o to tikala kokutana te to yebani ba numéro a téléphone te aza camarade nangai te na yebi esika avanda kati banda makamba Félix e bandi ndeko oyo azali partout bazali ebele basali une association de luba ngai nazali koyebisa bino nazali ko matake na Félix parce que Félix me représente mutu moko te akolakisa ngai une vidéo une phrase audio ya ngai ko satake na Félix na famille ya Tshisekedi avant Félix a comme président yana pa ça n'existe pas parce que na bande ko ignorer bango et Tshisekedi na kotaki je l'ai supporté pour bayiba ki élection na ye na salisi marche ba koreño so bayebi ba congolais bayebi ba vidéo ezali Nazali obligé te na bete la Félix Mamoko. Félix me représente et yango nazali ko loba ko critiquer et j'ai les droits. Mais bozali na droit ya ko attaquer ngai te. Ce qui bolingi ko attaquer ngai, attaquer ngai dans la vérité. Bandeko oyo akenda ki na ndeko mususu, apesinga kombo na yete, bazoluka bazwa kombo na ye. Mais ndeko wana babengi kombo ya Cheche. Bapesinga kombo na ye. Parce que batu ya biro wana ba yebiye. Akei ko yebi sabango, meshe yombi depuis 10 ans soki bozo yebate, parce que azolo ba na lingala monoko na biso boko yebate, meshe yombi na ba video na ye azali ko finga mboka kore, azali ko finga ba koreyen. Mes chers amis congolais, nani atombo la mousapike, na video na ngayi moko ayoka ngayi na fingi mboka kore, ou bien na fingi ba koreyen. Bien au contraire, ce qui na lobby, na utilisé exemple à Corée, ezali exemple na ndenge ya malam. Bandeko oyo stadi balingi nini? Ndenge basala kama kamuna bango na Congo ya Kadiosha, ya Lukuta. Baya ko influencer quelques Coréens, balo bake ndeko oyo azali ko finga bino. Pour que bayina ngai. Na yebisi organisation wana, ezali organisation ba réfugiés te, mais ali ONG. Na ebisi bango bon, merci beaucoup. Mais bozo ba video na ngai ezali na net, na longola kata video moko ti. Na pesi bango kombo ya mwana moko azali coréenne. Mais na loi pe azali congolaise. Une coréenne née au Congo na Kinshasa na Barumbu. Elle a maintenant 24 ans. Abotami na Congo. Akoli na Congo, atangi na Congo, na université de Kinshasa. Alongwe na université de Kinshasa, ayena, azongi na Kore. Le, mwana na biso oya mwasi soki bokutani na ye bandeko. Lingala nanga kutu na musika. Azali na lingala moko bokondi mate, na kutana na mwana oyo wapi, na Australie. Na kenda na Australie na Sydney, toza na mwa konto kuna, na kota na bank, na uta iko koma, na bino na koma na nabang, na tala nini ezali kuna. Na gishe mutazo servir nga elongi ya in koreyen. Ase nga pasepor na pesi. Atala boye, atuni nga alubi, eske o vanda na kore te? Na lubi na ye, oui, na vanda na kore. Ozali profese yombi, nga alubi, oui. Abwa ki telefon, na telemi, agangi, bandeko na ye na bank. Bank wana kombo nango ANZ. Bandeko bavani na Australia bayebi bank wana. Bank wana kombo nango ANZ. Mwana oyo era gangi. Namona mbala moko abengi. Papa na ye abengi bandeko na ye. Alobi leki na biso abotama na Congo. Azali Congolaise. Azali awayaki konje. Zela na benga ye. Na sirisi makamba bank. Voici na kobare babiloko ya ba numero a compte po batatu baza mystic. Voilà. Le nom de la banque en Australie. Oye, ezali carte de crédit na biso ya mboka wana. Mwana oya mwasi ya ye. Na yoka lingala moko na moni. No. Oyeza, mutu wa sekwi. Elima mabe. Posta ko kima. Lingala na ndenga ko sakanate. E lingala ya bayanke. Oko yoka jamais ke tonalite ya lingala ba asiatique. Jamais. Congolaise, kinoise, 100%. Apatia wana. Tokoma na ye contact solo laka. Na ye bisi organisation oyo, ok, bozo ba video na ngai, bozo wa kombo ya mwana oyo, bozo wa numero ya telefone na ye yangoyo, bo benga ye, so yi kofuta ngana kofuta, aya a interprete bino na ba video na ngai na lobaka nini. Na tika la kofinga Congo te korete, na tika la kofinga ba koreyente. Mes chers amis Kasaïens, cessez vos histoires. Cessez vos histoires. Naïebi si l'issue soit avocat, Nabiso, je porte plainte contre Ndeko Oyo. Je porte plainte contre Ndeko Oyo. Image na ye ezali batindelingai. Bakoreye balobi bako témoigné. Oh là là. Bakoreye balobi bako témoigné. Na ko porter plainte. Na ko loba kombo organisation te parce que j'ai intention de porter plainte. Mes vidéos sont là. Oh là là. Bande ko bazali na Facebook. Bazo ya un problème. Ezo katana katana na zomona. Alors. Ba vidéo ezali. Soki bolingi tosa la guerre, tosa la guerre na jeu démocratique, organiser des élections ya malam, bobi misa ba camarade na bino ba cousin na bino ba Rwanda, organiser des élections ngana koya, to bunda na ba projet de société. To bunda na ba projet de société. Ndenge na ebisa ki bino ke nazali un dragon rouge. Et na lobaka toujours bandeko oyo Bandeko Kasaïen Balouba nazali contre Binote. Mais moi, j'ai un problème avec Kasaïen Milovor. Ce qui se considère que Ngaï Nazako Finga Bino, c'est votre problème. Mais nazali ko loba, nazana chance tena Bino. Nasalisa batwe bele, so salisi moutu équateur, il n'y a pas un problème. O salisi moutu aba Congo, ce n'est pas un problème. Au salissi ivoirien, pas un problème. Nigérien, pas un problème. Au salissi asiatique, chinois, tout le monde, pas un problème. Mais ce qui est au salissi de Konabiso, Congolais, Moulouba, il y a un problème après. Nous avons la chance de noter. Nous avons la chance de noter. Nous avons conscience de noter. Nous avons conscience de noter. Nous avons Nani ya yebisanga ndeko moko kasaye luba yebisangai ke na video tel, date tel, osala ki video ofinga ki kore, ofinga ki bakoreya. Nani ya tombo la musape ya yebisangai. La suite, toko yeba. Alors, point ya mi bale, nani ya koloba, na sans wana, na finga ka, bon, bango balobi na finga ka, na kalifia ka Felix d'un idiot. Bande kondenge naza awa, nazali ko confirmer. Nazali ko confirmer. Nazali ko reconfirmer. Felix azali idiot. Je confirme. Je reconfirme. Felix azali idiot. Au vrai sens. Ndeko moko ayeko tinde langai un extrait, il y a un texte moko d'un professeur. Professeur Azali Congolete. Professeur Oyo aye ko rappelé biloko Oyo tozali ko tanga na science politique, tozali ko tangisa na science politique. Qui est un idiot politique? Qui est un citoyen? Qui est un homme détribi? Fungula makutu luwa. Cher Milouvor, Fungula makutu luwa. Qui est un idiot politique? Même d'une façon littéraire, Félix est un idiot. En politique, Félix est un idiot. Donc, Azali, idiot au carré. Bozola Nangai? Azali, idiot au carré. Je m'en fous. Professeur Alobakabouyete, oh professeur Yanine. Otanga wapi, osala thèse na yo wapi, ozwa doctorat wapi, université ni otangi saka. Nga moto na lobate boza la ba idio. Ya koyeba te ndenge ya kosala recherche. C'est pas mon problème. Allez condamner vos parents. Bolanda. Lorsque les Grecs parlent des idiots, ils ne le définissent pas comme un groupe de voyous, une insulte ou une malédiction, mais bien une classe de gens qui s'affichent de tout, inclut les lois du pays. Par exemple, lorsqu'ils sont confrontés à un obstacle ou à un test, les idiots trichent. Ça, ce sont les Grecs qui disent. Ba Grec boyebi moto moko te atanga science politique sans que atanga politique ya ba Grec. Peut-être na kabaya ka mwanga batangi sa kabino yangote. Ba lobi quand un idiot azali confronté na obstacle, na test, les idiots trichent. Quand on place les idiots au pouvoir, les idiots volent. Ngayi mutuna lobi yangote bokende ko beta bokende ko finga ba grec. Ba grec ba lobi soki idiot azali face ya makambu, face ya examen, face ya test, idiot asala kanini ayibaka. Akotambu sa mutu te aluka réponse, idiot asala kanini ayibaka. Idiot ya Félix azalaki confronté na problème. Candidature pour comme président, yako koti sa ba dossier oyo otanga wapi. L'idiot de Félix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a triché, aye koti sa dossier ya université oyo atanga te. Nakosi? Est-ce que j'ai menti? Manifestez-vous. Yami balé ba grec ba lobi, quand vous placez un idiot au pouvoir, quand vous placez les idiots au pouvoir, les idiots volent. Merci beaucoup, Bandeko, ba grec. Boye ko sukulangaye maboko pembe. Quand vous placez les idiots au pouvoir, ba grec, ba lobby, les idiots volent. Félix Mokolo Liboso continue à pouvoir. Quelques jours après, Ayen a prosé de 100 jours. 600 millions de dollars. Les lots 600 millions de dollars et lis-moi le quoi la moupépé. Ma procès Landani, procès Otomoni, Zali, procès Kaka, il y a 57 millions de dollars. Bongo, les restes, il y a 500 plus millions de dollars et Kei Wapi. Quand vous placez les idiots au pouvoir, les idiots volent. Nzambe abakisa mikolo ebele na ba grec. Ba grec basuki wana te. Un idiot ne pense jamais aux conséquences de sa société dont il ignore la présence. Donc, il s'en fout éperdument. Oh, les amis grecs, bon, mon andenge boye ko salisa biso bo sauve biso. Ba grec balobi, un idiot ne pense jamais aux conséquences de la société dont il ignore la présence. Quand Félix agit, quand Félix parle, quand Félix dédouane les Rwandais, ils n'ont pas tué au Congo. Quand il dédouane, il blanchit les Ougandais, ils n'ont pas tué au Congo. C'est un idiot qui ignore les conséquences, qui ne pense jamais aux conséquences. Ezali ngaite bofinga ba grec. Basisi wanate. Un idiot jette les épluchages de la banane sur les trottoirs après avoir mangé la banane en lieu et place de la poubelle. Idiot ce qui a les bananes. Idiot abwa kakaposwa banane na balabala. Même poubelle zali pembeni, l'idiot akobwa kakaposwa banane na balabala. Balabala ya l'état, akokombola. Poubelle zo monana. Un idiot cherche toujours à traverser la chaussée lorsqu'il n'y a pas de policiers quand le feu rouge. Le fait de trafic est au rouge. Idiot à côté là, ma policier bazate, gauche, droite, il n'y a pas de policier. L'idiot va traverser la chaussée parce qu'il n'y a pas de policier. Ça veut dire conscience et alité. Félix Akanisaki, gauche, droite, Atali, gauche, droite, ma Congolais, ma zone, mon ayete, boutou, akéye, pa kabila, ke ko sala deal. Yakoboma. Ba Congolais, parce que ba Congolais bazalai kola la, Congolais a monaki Félix c'était. C'est ça l'idiot. Oh, cher grec. Nape sabino nini. Oh, la politique. Nape sabino nini. Wana ezalaki bande konabiso ba idiot. Maintenant, tu le cas na homme de tribu. Qui est l'homme de tribu en politique? Les hommes de tribu en politique, eux sont une catégorie de gens qui voient, considèrent et interprètent tout à partir du point de vue de leur tribu. Oh, Nzambi Wani. Je répète, les hommes de tribu sont une catégorie de gens qui voient, considèrent, interprètent tout à partir du point de vue de leur tribu. Aujourd'hui, quand vous dites, vous parlez, vous dénoncez, Félix a détourné, vous allez voir un frère Louba vous dire, vous êtes un tribaliste, vous êtes un ene, bolinga kabaloubate. Et pourtant, c'est un problème national qui ne lit que Félix. Rien de tribu là-dedans. Okomona bango, ba jalou, ba ene, ba tribaliste, bolingi baloubate. Oloba ke Félix, na nomination a nommé ba conseiller, ba leki e belé ya tribu na ye. Yo, komi tribaliste, Félix Moutou a nommé Bango Azama Boko Pembe. Oh, ba grec. Les hommes de tribu sont des gens qui ne vous croient et qui ne vous accordent considération que lorsqu'ils supposent que vous êtes leur frère de la même tribu. Ou vous applaudissez la famille Tshisekedi, En ce moment-là, les hommes des tribus vous considèrent. Bazali kozabino na considération, ce qui va remarquer que bozali ko bete la bango maboko. Félix azali béton. Les hommes des tribus bangonyo so ba ko bete la bino maboko ozali professeur. En 2011, natango nazali ko supporter tient secrétaire ya Molumba ko sala ba match. Les hommes des tribus ba matina créno ko yemba voilà mwana mboka. Voilà un professeur, voilà un patriote. Les hommes des tribus, ceux qui ont bêté les bangons à bon côté, bako ndima yote, bako pesa yo considération mon côté. Oh, cher grec, na pesa binonimi. Lorsque les Grecs parlent de tribus, il ne se limite pas seulement à l'ethnicité, mais aussi aux religions comme tribu. Beaucoup mon pasteur Moussou les violaires au Azali na Canada. Moutounio so au akobete la famille tu sais que de ma bon côté, c'est un pasteur. Il vous attaque. Il vous attaque parce que vous avez critiqué le régime tribal. Donc, quand les Grecs définissent la tribu, ce n'est pas seulement l'ethnicité, c'est aussi la religion. C'est aussi les partis politiques. Nakoyi Kobakisa. Un grand nombre de Congolais appartiennent à cette catégorie de gens, car ils ne voient tout qu'à travers les biais de leur tribu. Yango bokomo na batuba finga ka biso. Ce que lobby Félix en tant que président, il faut ozala exemplaire. Okoyi ko bala basi e belete, ozali chrétien tozomo na yo ozoze kaloke ton église. Félix est un chrétien semble-t-il. Tozomo na ye une église ko sambela ka mikolonio son Nzamba Israël au moment où l'Israël cherche à se protéger par les armes nucléaires. Au Congo, le président va prier le Dieu d'Israël. Ayako salisa biso. Bango moko Israël, bazali ko luka protection na ba armes nucléaires. Mais vous, Congolais, avec votre président, vous priez le Dieu d'Israël. Qui est idiot? Oh, cher Grec. Cher Grec. Président Azali Kozeka Louketu Nakati Église, Azali chrétien. Ça, c'est un drôle de chrétien qui se marie chaque jour. Le président Azali Nabasi Misatu Oyongai na Yebi. Toyoki, la quatrième femme, est enceinte. Le président est un chrétien, Balobi Mwananzam Bengoyao. Ake kotika peyi na ye na maboko ya Yahweh. Oh Yahweh, salisa mboka na yo. Prezida ake kotika mboka na ye na maboko ya Yahweh. Prezida suki kaka na kotika peyi na maboko ya Yahweh te. Prezida Azeki Luketu. Mabine uta na lola. Prezida ake kosambe la Nzambe ya Israel. Nabwa ka misu na ngambo Israel na zomo na Israel bazali kotonga ba bomba atomiki po ba mibatela. Ya biso president ke kotika mboka na biso na Israel, Israel e batela mboka na biso. Na suki wana ba pasteur na matake pa j'ai besoin de vous. Cher pasteur, j'ai besoin de vous de batake pa s'il vous plaît parce que à ce moment ici, j'ai besoin de vous. Les hommes des tribus sont dangereux pour toute société. Et cette société, quand elle place à la tête un homme pour une raison, une femme pour une raison des tribus, cette société est une société qui est vouée à l'échec. C'est une société qui doit disparaître. on ne place pas à la tête d'un pays sur base d'une tribu. On place à la tête d'un pays sur base des compétences, sur base des patriotismes, sur base d'expérience. Wanezali, homme politique. Non, homme des tribus, s'il vous plaît, pardon. Homme des tribus. Maintenant, Toleka, na volé à Souka, les citoyens en politique. Bagrek Balobi, les citoyens, ces groupes de personnes est constitué des individus qui veulent tout faire comme il faut. Yangonde bisoto lingi na résistance. Na résistance tozali ko lukaba postete. Na résistance tozali ko lukaba corrompre bisoté. Na résistance tolingi congolais nyonso alia malamu. Congolais la considérer comme un citoyen, un humain. Résistance tozali ko vérifier tozali ba watchdog. Tozali ba tozali ko surveiller. Musala wana et salami boni. Tomoni kuna élection et salami. Est-ce que ba pesi biso ba résultat élection bureau par bureau T. Que dit la loi? La loi dit il faut ko proclamer ba résultat ya élection bureau par bureau. Est-ce que ba sali yango T. Nani a gagné? Ba lobby Félix. Est-ce que on peut vérifier que Félix a gagné? On ne peut pas vérifier. Voilà un citoyen, il faut téléma pour dénoncer Kabalouana reconstituer ba résultat ya élection. Citoyen soit yoki ke deux citoyens ya mboka. Bango mibale. Citoyen moko te apesi bango mandat. Ba telemi bango mibale na butu ba ke ko signer deal sans que peuple ayeba, sans que peuple apesa bango mandat. Un citoyen doit s'élever pour dénoncer cette histoire, cette criminalité. Pour que Esalemate, justice Esalema. C'est ça, un citoyen. Un citoyen Azali Moutoua Tele Makapona ko dénoncer Makamonyo so Ezala Moutouana Azali Ndekonoyo a tribi, Ezala Azali famille na yo, Ezala Azali mwana na yo, Ezala Azali papa na yo, Ezala Azali noko na yo. So ki Azali Mabe, le citoyen doit s'élever contre son frère. Le citoyen n'est pas celui. Azali ko couvrir frère na ye. Ngai na benga mbila pona mwana na biso. Parce que ayiba kite, to moni ki azali ko zonga nanda kote to mesana elongo. Na bengi mbila. Ba parent ebele bako sala yango te. Lelo oyo ima compris. Ke na sala ki ndengo na parce que na lingiye. Mes chers frères et sœurs, chers amis et frères Milouvor, Bopona, binomoko bozali na catégorie nini. Vous êtes dans la catégorie des idiots, vous êtes dans la catégorie des hommes des tribus, ou bien vous êtes des citoyens. Bozui réponse. Bozali banani. Bozui réponse Félix Azali nani. Yemoko Félix c'est un idiot. Et bino batu bozali ko kumisa ye na buzoba bozali na catégorie des hommes et des femmes des tribus. Une société où ezali construite par une idéologie tribale. C'est une société qui est vouée à l'échec et doit disparaître. Alors, la question qu'on se pose, est-ce que nous, les Congolais, nous voulons que notre société disparaisse? Non. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recourir à l'article 64 de la Constitution de mettre hors état de nuire tout idiot, tout homme de tribu, Oyo Bazali, Kosala Kembo Kanabiso, et avancer. Je pense que Bofungula qui m'a coûté le yoki. Bandeko oyo baye ko kuta biso na retard, na meki ko pesa update sur la situation ya mwana na biso, na uti ko loba en dehors de cette affaire, tozali na ba milovor na mboka kore, ba video oyo nazali kosala pona makambo ya mboka na biso na Congo, bango bazwi yango bakena ngo epai ya ba koreye ba yebisa bango ke ba video oyo mutu o azo sala na monoko na biso ya ya Congo azali kofinga kore, azali kofinga ba koreye. Esika bakendaki ba koreye ba bengi biso. Batuna ya solo ndeko, yo mutu tolingaka, yo tozali ko defendre. Njoka nde ba video ozo sala tozo mona mikolonion, so ezali ba video ya kofinga kore na ba koreye. Voilà bandeko na biso ba milouvor, na niveau nini bazali kapable, eloko nini bakoki kosala. Soki na lobi, na lobi la kabandeko na biso baluba, na loba bandeko nyo soba luba te, na loba kaba milouvor. Naza na chance na bangote, naza mutu, naza ina raison, il faut na loba. Naza na chance na bangote, na salisa batu, na salisa ba nigerien, na salisa ba africain, na salisa ba asiatique, na salisa ba latino-américain. Mutu moko te azonge langayi na ingratitude aboy. Parmi ba Congolais, ba tunasali sa ebele, zali ba mdekona biso luba. La plupart bango nyo sunasali sa, il retourne contre moi. Yango na lobi ke na ba mdekona biso oyo, nazali na chance te. Nazali na chance na bango te. Osali se mutu mususu, probleme zate. Osali se mutu ba Congo, probleme zate. Osali se mutu Equateur, probleme zate. Osali se Katange, probleme zate. Osali se mutu ba Ndundu, probleme zate. Me soki kako osali se ndeko na biso kasaye e kasaye so salisi mutete la ya pa de problème mais soko salisi luba e ba luba ya mbunji mai ya un problème toujours alors nazana chance na binote nazali mutu nazana nzoto na makila j'ai le droit na ganga soki na yoki passe nazana chance na binote e loko ezali ki na salisa ndeko moko te kasaye luba di ya mbunjuma yako yako yebisanga na salisa yo. Soki azali abima, asalisanga na nini, na kombien, na kozongisa. Mena soki na bandiko tangi la bino, na koyebisa bino, je sauve la vie ya ndekwa vili ya Chimanga na Malaisie. Na pandezon, babo maye. Na sal, oyo babimisa kabatupo, sobe abimisi yo, bache singa, badiembiki yo, na salisa ye. Botange langa ndeko nini kasaye luba. Vous m'attaquez, vous me critiquez, vous touchez ma famille. Ndekoni ni luba wa sali sangai. Atombo la mousapi. Atombo la mousapi. Atombo la mousapi. Abima na media moko alo bangai. Na sali sa yone loko boy. Abima. Mesoki na lobina bimisa liste awa. Vous allez voir. Bandeko, bo kondane ngati. Nazo repete yango. Naza na chance te pona bandeko oyo. Botala, vraiment, bolanda kangai. Bikolonyon sur la ba video nangai. Banda na bima na video ya liboso. Nani asya yo kangai na video nangai na fingi ba koreye. Na fingi kore. Soki na bimi na zali koloba. Na pesa exemple ya mboka kore. Voilà bandeko oyo baluba bazui ba video nanga ba ke kokuta na un groupe de coréens ba kosa bango ba ebisa bango ke na ba video oyo yombi aza kosala po boyoka ka munoko wana te azali kofinga kore azali kofinga ba coréen est-ce kataki ndoki yango ezali ataki ndoki yango ezali ba ebite ke soki to kei na terme ya popularité. Je peux devenir président ya Corée. Na koyi kokoma président ya Corée. Mais nazali congolais. Je suis congolais. La Corée au coréen, le Congo au congolais. Je suis congolais. Alors, kadio shanabino boke nangoti wapi. Boko kate. Le monsieur est un dragon. Oh my goodness. Le monsieur est un dragon rouge. y a des histoires moyeto lo bakayango ezati et si kanyo sobo kende boyebi parce que na bomba ango soutena lo bakayango po na za susu kuna te na sala susu wana te boko yiko kende soki bozane ba connexion moto nyo sa vay na mboka, mboka leso vandi, ezaka angaite moto na yebi batu nyo sa la kore, c'est faux. Nako yiko lo babongote. Bozana ba relation. Na yebi sakabino ke je travaillé pour le service de l'intelligence de la Kore. De 2010 jusqu'au mois de septembre 2019. Na lobi bien. Kobanda le 8 juillet 2010. Qui, au mois de septembre, le 21 septembre, je pense, oui, le 21 septembre 2019, na sali na service, ya renseignement ya kore. Vous savez ce que je dis? Ce que Zali a solo, te d'accord, kolobate, boibi, loi coréenne de Zali. Na lobby yango, et je l'ai dit, à un ministre avec qui j'ai parlé, Nakolo Bayango. J'ai dit à un directeur du service d'intelligence à Corée, Nakolo Bayango. J'ai travaillé Nabango. Je garde encore amitié Nabango. Quand je vous dis souvent que je connais na détail tout ce qui s'est passé dans l'ambassade ya Congo, na Corée, na ambassade ya Congo na Chine, na ambassade ya Congo na Japon, na zanango, ba USB oyo, yana ici. Depuis des années, ba contact, ba appel téléphonique, ba audio, ya les trois ambassades na zanango awa. Na zela kaka na yoka mokolo un ambassadeur ya Congo na Corée na Japon bien na Chine na sala kaka kefu WikiLeaks oyo ko sala kaka kefu WikiLeaks bande ko bavandi libanda ya kore yoka na bisabino ile omoko a moins que na ignoré nde ko moko auti ko yasika bande ko na biso ba kongolais bavandi na kore ce sont des bosseurs bazali na makambo to mona na ba paris tele ba mboka msusu ono ko lata ono boye bazala makambo ate ils sont dans des usines oyo batangaka mais entre nous na kati ya famille na bande konyo so o na yebi. Na ndenga koloba ke moko atelema pona ko combattre meso yombi azana noté. Tout ce que je koba onyo so na yebi moko azana noté. Na zo minimiser bangote. Ba oyo bazali ko sala misala na bango malamu bazali. Me nazali ndeko bango nyonso ndenge bavandi na bamiyebi. Nazali ndeko o apesi bango fierté honneur. Aoke ne sika mwa difficulté po, abima na difficulté wana, nazande kwa yombi. Na lobite ke bandeko baza na Kore, baza kontre ngai. Mais je parle à mes amis Luba, o bazali na Kore. Boti ke loko bozo sala. Parce que je suis capable, na kota même na kata ba téléphone na bino. Na kota même na kati ya ba computer na bino. Nazali na batu o bazali capable na ndaku na yo isiko vandi. Na bimisela yo ba conversation na yo. Isifika kana yeba kombo na yo nani. Na koyeba ba conversation nyonso na ndaku na yo même ba intimité. Savez-vous quoi? Toza mikolo toza ba responsable. Na koyebi sabino ke ba conseiller Félix o ba uti koya récemment. Naza na ba image me ba intimité na bango. Donc bolingi to koma na niveau wana. La politique c'est entre nous. ce que vous allez faire la politique, ce n'est pas ta femme qui va faire la politique. Ce que vous allez faire la politique, ce n'est pas ton enfant qui va faire la politique. Ce que vous allez faire la politique, c'est un cousin na yote. Mutu nangai, raisonnement nangai. C'est un raisonnement ya moi nangai. Si on peut s'attaquer, que ça la base démocratique, c'est entre nous. Venez, on va discuter. Venez, on va discuter. Bon, nous kangai toko discuter. Bino bozo bengango ko finga. Nga na zolo banazo finga te. Na ko expliquer bino. Voilà, on attangele bino, ce sont les Grecs qui disent. Alors, quel est ce milouvor ou à sa la science politique atanga politique ya ba grec te? Atombo la mousapi. Alors, ceux qui n'ont pas besoin de mouanga, batangi sa kabino yangote, dites-nous rapidement que tu reloukaba bourse pour que se recycler rapidement. Dites-nous ça. Na outi kotangi la bino la signification politique du dieu, de l'homme ou de la femme de tribu, d'un citoyen. Bomi pona bino moko bozali banani. Mais ndenge nazo tanga boye, na moni deja bino moko kategorio bozali. Chef nabino ye moko guru, c'est un idiot. Alors, bino batu bo kumi sakaye na sima, vous êtes des hommes et femmes de tribu. Bo changer, oyo na lobi awa e outie pa nangaite. Changer. Mboka batonga ango na boyete. Mboka batonga ango, ya conscientis. Est-ce que ndeko wana to tche si kan a mérité? Oui, a mérité. Bo prouve biso a mérité ndenge nini. A mérité na boy, a mérité na boy, a mérité na boy. Aza patriote, oui. Vous prouvez bien sûr qu'aza patriote, oui. T'as la patriotisme na ye. Ezali approuvé. Na eloko boy, na eloko boy, na eloko boy. Mendeko Félix, depuis aza wana. Tozo mona ke patriotisme ezati. Na tango, pays loko la Uganda, ifu ba futa biso mbongo 10 milliards de dollars. Yo, telemi ok, yo ebiso Uganda ba futa te. Ozali patriote? Non. Ba Rwande bazo kote la biso. Mukili mobimba ba yebi. Na moma na zolo ba awa, armée rwandaise eza na Congo. Bazali ko boma. Bazali ko viole. Bazali ko yiba. Ndeko oyo, azali patriote, te. Di la kende ko sala na Kabila. Eza ki n'intere ya ba Kongole, te. Ko yiba zo yiba. Projet de 100 jours. Makambu mususu ba 15 millions. Salaire 2 millions et 70 000 dollars. C'est un patriote? Non. Dites-moi en quoi Félix est présidentiable. En quoi? Boye bisanga Félix azali présidentiable en quoi? Alors, et beaucoup mona que ndeko oyo azali vraiment inconscient. Ndeko oyo azali inconscient, lelo nauti kotanga journal ya ba chinois. Un journal chinois, excusez-moi, donc nazo luka yango, un journal chinois, permettez-moi que je retrouve le journal. Voilà. Journal chinois Oyo Ezali Kombo Dango. Voilà, Ezali South China Morning Post. Ezali un grand journal. Et na journal OPC Bokei, Bayako Lukangai, en 2017, faut basala. Basa la interview, ba outa ki Beijing, ba yeti na mboka Seoul, basa la nga interview. Interview wana pe ezali na net, c'est en anglais. Ba milouvoro nyosu ba yebi, ba kende na South China Morning Post, ba luka, Monsieur Yombi, ba komona, interview wana ezali, ba komona ba komani. Journal Oya outi ko koma. C'est un journal, ya le 27 décembre 2020. Le 27 décembre 2020, journal Oya ba chinois ba lobby, ba compagnie chinoise, bazali lourdement ko dépouiller ba minerai ya Congo. cobalt ya Congo chaque jour. Eza ko leka kutu quantité oyo bakoki ko exploiter par jour, bango bazo leki sa ebele par jour et Félix leur a donné ça na somme ya 550 millions de dollars américains. Ezali journal South China Morning Post. Soki boluki yango boko mona na tia yango kutu na Facebook na ngai. Nga mutu na lobby yango te ba chinois bango moko batu ba lobby. Félix apesi bango espace oyo ya ba minéraux na biso ya cobalt na biso na montant ya 550 millions de dollars américains. Mes chers Milovor, oyo pe nga mutu na bimisi yango. Oyo pe ngwanda mutabimisi, ngwanda mutakomi, alors mese ngwanda yifu azala fora, ye pe kuna na Chine pe, il agit même en Chine. Abengi ba chinois, yebisi bango bozo information, oyo ye mutamoni yango. Journal yango yu. Na korepete kombo nango na malembe, South China Morning Post. South China Morning Post. Et ezali journal écrit par Jevens Nyambage. Erna Landeli journaliste oyo même s'il travaille na journal ya ba chinois mais c'est un américain. Félix Ateki espace ya cobalt et pas ya ba chinois, ba compagnie chinoise na 55 millions de dollars. Nani amoni trace ya mbongo wana na banque centrale na biso. Nani amoni trace ya mbongo wana na banque centrale na biso. Congolais to yebite so ito zali bino. Batu ba yene information na yebisi bino ke, la femme de Félix na Dubai a kende ika akolia na restaurant pe. Elle est partie déposer l'argent. Des millions de dollars. Congolais indimité parce que likambo wana eza mundele te mutu alobi yango. C'était Congolais qui l'a dit. Mais Congolais a zon di makina kati ya Congo, mbongo ezo bunga, mbongo ezo limwa. Congolais wana andimi. Oui, na Congo mbongo ezo limwa. Bazo detourné. Batwa Félix bazo detourné. Félix azo detourné. Oui, bandimi. Congolais bazali kondima. Ke batwa na nyonso batwa Félix na batwa Kabila mbongo soki ba detourné yango. Bazali ko tchana ba banque ya Congo te. Oui, Congolais azo ndima. Mais Congolais azo boya ke non. Na kati ya batwa na bazo detourné, moi sa Félix a keko depose mbongo na Dubai. Congolais boyi. Wana te. Donc mbongo bazo détourner bazo tia wapi na bandako. Ube bazo tia wapi. Congolais azali naïf. Ko détourner ba mbongo bazo détourner bozo ndima e mboko yoe. Mboko yoe komi boye vraiment bayaki pona mabomu na bango. Libomo d'abord, famille d'abord, bazo détourner Congolais ndimi. Balobi kuna na banque ezali vide, réserve monétaire kuna ata eloko ezate. Banque centrale mbongo ezate. Budget de passement budgétaire mbongo ya ba voyage ya ba mission na budget ya l'état ezate. Mbongo elimwe Congolais azondima. Mais Congolais azoboya ke ba moni mwasha Félix azoke ko déposer mbongo na Dubai. Congolais azoboya. E nzambe ya kotika ngala mboko pona nini. Nazala nanga ata mutu ya Djibouti. Nazalata mutu ya Djibouti. Excusez-moi, c'était un appel. Boli misangai, ezala ki appel moko na téléphone nanga. Alors, donc Congolais azali kondima bazo détourner, Congolais azondima na banque bambongo ezate, bato na bazo ibambongo, bazo chambongo na banque te, bazo ke chambongo na ba compte na bisika mususu. Mais Congolais azobo ya ke mwasi ya Félix a ke ko déposer mbongo te. Donc tout le monde peut voler, tout le monde peut détourner, sauf Félix et sa famille. sauf Félix et sa famille. Mawaminki. Voilà donc, mes chers amis, et le Kotolina Ikoloba Yangwana, vous allez toujours remercier Batonyoso, vous allez soutenir Bisso moralement. Bandeko ba pasteur même na yebi ke mingi mingi pe biro ba mususu bango boza pe lukuta mingi mais ere moko pe ma prière ya ndenge ya biye lekaka donc bo meke mpe ko sunga biso bo sunga biso na ba prière na bino parce que ce que nous traversons ezali épreuve moko ya makasi je sais que na forma famille na ngai na ndenge ya makasi ya ko résister na biloko ya ndenge wana. Donc balobaka nzete kwela kake e banga kalikolo yinda te jamais. Donc nandenge na yebeli peut-être les milovores o bazali na Europe o bazali na Amérique o na yebite peut-être mais les milovores o bazali na Corée ezala tala mwana ngaba okokate ba okokate bolandaka bango te tinde ngaba so benga bino bandeko o bayebi par exemple celui qu'on appelle soki tchetché o bayebi. Mais bon, luka moyen bobi misande ko na bino na Corée banda ya soki 35 ans il est là alala kana hygiène alala kana hygiène azana ndako te mwa sha kimaye alala kana hygiène tindenge azawana soki bobengi ezala $500 azana ngote. Voilà de telles personnes aya ko se galer na ngai baye bakate ke. Moi, je suis un dragon rouge. To l'équipe na banzela wana. Tout le monde qui passe nanzela na biso, to kote la rabanguna na malé, malé, mais totala, qui est la personne? Ah. Oye, go tala, botala langana nukuna, na konta zana combien? Ata 500 te. Ah bon? Ala la kawap, et pas camarade na ye. Ah. En tout cas, vraiment. Oh. Mais, Congolais zandengenin, yo? Congolais zandengenin. Donc je voulais dire que bandeko ba vaina mboka Australie basé la biso kala mingi te tozo matakuna et toyebite bandeko ba vandi na bamboka na lokola bamboka ya Australie toyebite soki er moko pe mwa molimo soki bandeko ba zosala makelele mingi mwa molimo pe er moko ya kolakisa bango ba coup de poing ezali hein. Yo penza o vandi na mboka yo batulukola ba Australie ba yebi yo te voilà oyo bozo mona ba carte de visa ya Australie voilà la banque de l'Australie voilà ça c'est Australie bomba numéro 3 ko ba beau-frère na yo baza mystique voilà siko un vous êtes ake na mboka Australie ba Australien pe bazo a carte de crédit ba pesa ye. Naza camarade na binote. O na yebite ça va, mais o yonga na kutana tout milovore na kutana na ye, o na yebi. Pardon. Er moko futo za la kaboye. Po ngai balobi villageois, oui, na botama na village. Mais boye bake na leki na nzela ya Kungu Pemba ki kwit. Bo ina yebisa bino yi histoire. Bana ki kwit, benezaba edika ulumbanda. Bana ki kwit, benezaba edika ulumbanda. Ah, na leka epa edika ulumbanda. Botuna bana ki kwit, yombia liniko lobanini, na leka nanzela ka edika ulumbanda. Na leka nanzela edika ulumbanda. Na yepe na kishasa, maler na yeko tombe na njili, mwa na njili. Alors, yo milovoro uti soki mbunje mayo uti soki wapi, oya kocha naza mbanga ya danzi mbanga nanga je me prepare nakoy kocha mbanga ya pamba te je me prepare ke mbanga nazotia mbanga na ba force mususu ezali naza mbanga ya danzi tinde ngebo lobaka oto okanga yeto kobeta yebo okokati boto na bana ki kwiti na leka na nzela edika ulumbanda ngai na lala na cimetière ya Kungu Pemba jour mubimba 20h 6h du matin na lala likolo nango. Soki na zoe sabino ke je suis un dragon rouge. Je suis un dragon rouge. na lala likolo ya cimetière ya Kongo Pemba. Bato ya Kikwit, oyo bazalia wa bayebi Edi Kaolo Mbanda, na Kikwit 2, pembe na cathédrale. Botu na bayebi Sabino, ki ete Edi Kaolo Mbanda Kikwit. Do ti ndenge boyaka kana na mabubu na bino ya matamba. Keba, oya kozwa ya ba patu vide ya musika. Parce que prof, oh prof, prof a beti batu ba dale vide. Ah, Ezali. Demande à mes amis. Oh, ba, parce que ba mi nanga yibo, ba lingi ba atake, ba ngote pa ya ba mirvor, ba mi nanga ba yebi, parce que les gars wana, même si abundate, keba, keba ba mina biso ba yebi, keba. A mema malet ya edika olumbanda. Keba! Hermope, prof. Ba parlementaire kuna bazo bete na ba kachi ba chute libre. Bo ba professeur ba bete ba chute libre te pora ni. Hermope, na self-defense. Il faut ça parce que avec ba milouvor tout est possible. Ko kan sate ke milouvor awoye la yo na ndenge ya bikte. Milouvor awoye la ndenge ya bikte. Parce que o nyoso bazo promettre biso te bon na okuto na conférence moko. Ngape na koza la siko yo contradicteur na conférence wana. Mutu moko te. Ba milouvor o bazo ako atake biso o yoga. So yi na kuta yi na yo na kobeta yo. So yi na kuta yi na kobeta yo. Bon probleme zate toze la akad. Nazali na Australie dans quelques jours. Alors, o yo bozali kuna. Boya ko lukangayi na aéroport ya Sydney. Bokomona biloko ya Edi Kaolo Mbanda. Ezali toujours. Même leki bambula soyi combien. E longwate, ezali. To santa kango er moko. Juste pour vous taquiner, mes chers amis, vous tenir rigueur, tia. C'est juste pour vous taquiner. Allez, merci beaucoup pour aujourd'hui. Et merci pour na Rolanda Bisso. Merci pour na Kabula. Merci pour na soutien na Bino. Merci pour la prière, Nabino. Ce qui nous arrive, bande konyoso bazali na résistance, il faut qu'on se prépare, ça peut vous arriver aussi. Ça peut vous arriver aussi. Alors, tenez bon, bozala malamu. Semaine ya malamu, misala malamu, et tokutani prochainement. Merci et au revoir. Bon, écoute, moi, ça va bien, Minga. Je vois quelqu'un qui écrit là, dans l'église de Minga. Kikwit, c'était ma ville, donc j'ai passé un bon moment à Kikwit. Na Bandaki, na Kikwit 2, na Avenue Lokolela, na cathédrale, na Simayakan. Na Simayakan, ka wana face à la cathédrale. Na Longwe, na Kikwit 2, tokei na Kikwit 3, na 523. Voilà. Donc, bana Kikwit, bana 523. Ya ben yo yai. Merci. Alors, bana Kikwit, bana yo komona makamu, lukola ba Kester, mbanga ya danze. Ba Marie-Paul, mbanga ya danze. Donc, okokate yo uti mbujimai, oya usegale na mwana Kikwit. Mais mon frère, au Koufaka, il y a un peu au Koukate. Bane écoute, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Voilà. Prof, il y a un peu de temps. Oh, prof, il y a un ah, yeyo. Yeyo. Bolo ke langata mbata na binona soki mbata bo che langa ye na plateau biso mibale comme ça bo yo ka indubi di scientifique po mbata il semblerait que qu'il enseigne en Afrique du Sud peut-être on va choisir une langue to solo la biso na ye ah to mekampe ko yoka na solo boko yoke loko